On va parler de motoneige. Tim Tremblay de St. John Dock s'est distingué au cours de la fin de semaine. Il a remporté le Grand Prix de Valcourt en classe Pro-Open. Question de savoir un peu comment il réagit à 48 heures plus tard de sa victoire. On lui parle. Salut Tim. Salut. Question, évidemment, remporter le Grand Prix de Valcourt, c'est-tu la première fois que tu le remportes d'ailleurs? Non, ça fait... J'ai 14 victoires à Valcourt actuellement. Donc, tu es un habitué de Valcourt. Donc, pour toi, là, est-ce que c'est spécial plus à chaque fois ou c'est vraiment... On commence à s'en habituer, celle-là? Ben, c'est sûr, pour moi, c'est la course la plus proche de la maison où que toute ma famille, mes amis, mes fans québécois y vont. Donc, c'est vraiment... Oui, c'est spécial pour moi de gagner... en avant de ce public-là, puis de leur montrer que je suis capable de bien rider et d'être le meilleur pilote sur ce circuit-là. Là. Sur le circuit que tu fais, est-ce qu'on peut qualifier que c'est la course la plus prestigieuse? Ben, pour nous, c'est certain qu'on course aux États-Unis. Donc, ouais. De venir à Valcourt, c'est un autre circuit qu'on fait. C'est un circuit canadien, puis il y a des Américains aussi qui viennent, mais c'est... Je te dirais que c'est un petit peu moins relevé la compétition là, qu'aux États-Unis. Il y en a quand même des bons qui viennent, des pilotes bombardiers surtout, là, qui viennent pour faire cette course-là. OK. Le fait que tu connais bien la course, tu connais les réglages, ça doit t'aider aussi, là, comparativement à un autre. Quoique les autres le connaissent aussi, mais ça doit aider aussi, là, d'un petit avantage. Ben, c'est certain qu'à chaque année, on revient toujours à Valcourt, puis on a pas mal toujours les mêmes conditions. C'est souvent froid avec la neige un peu plus dure. Donc oui, on connaît un peu les réglages, là, point de vue suspension, puis les cloches, puis tout ça. Mais je te dirais qu'à chaque année, les machines changent. Donc faut toujours se réajuster là, à chaque week-end là, selon la neige, la température, puis les conditions de la track. OK. Comment ça va ta saison? On s'est parlé en début de saison. Comment ça va? Est-ce que tu es content jusqu'à maintenant? Ben, c'est certain que c'est pas ma saison rêvée là que je trouve. J'étais en quatrième position au championnat. J'ai environ, je pense, 5 ou 6 podiums. Donc, c'est quand même pas si mal, mais je trouve que je ride bien. C'est quand même positif de ce côté-là. J'ai eu quelques petites bad luck là, dans les deux dernières courses là, que j'ai eu j'ai resté pris avec d'autres coureurs là, au premier tour. Donc, ça a vraiment handicapé un peu mes résultats, mais point de vue vitesse et tout ça, là, j'étais encore dans les plus vite, là, dans les 3 premiers. Donc, je vais essayer que ça finisse bien l'année. OK, à l'heure actuelle, il te reste quoi? Il te reste 3 courses, si je ne m'abuse? C'est la fin de l'année? Ouais, il reste 3 fins de semaine de course. Ouais, 3 fins de semaine de course. Comment tu vois? Est-ce que c'est des pistes qui avantagent, si tu me tremblais, pour les 3 dernières? Ben, ça dépend des conditions. Je dirais que c'est souvent différent des conditions d'une année à l'autre. Okay. Mais plus la piste est rough, c'est sûr que puis Magané, c'est là que j'excelle le plus parce que je suis un gars quand même de gros gabarit puis quand même en forme. Okay. Donc les dernières années, ça a quand même bien été là, dans ces 3 dernières courses-là. Donc on va espérer que ça aille bien cette année encore. OK. Ben, Tim, on va te souhaiter la meilleure des chances pour le restant de la saison et au plaisir de se reparler à la fin pour faire le bilan de tout ça. Bon, merci beaucoup. Tim Tremblay de Saint-Jean-d'Arc qui a remporté le Grand Prix de Valcourt.